bah ça a été, ça s'est très bien passé. Et puis ensuite on s'est rencontrés sur, enfin on s'est revus pour Sevrac. Sevrac, ouais, il y avait eu Sevrac aussi. Le fameux Sevrac. Le fameux Sevrac. Ouais. Voilà, et puis après on a enchaîné sur Cristal et pas mal de clips. Donc là les derniers mis en boîte pour Caris, ça a été Sinaloa. Sinaloa, ouais. Qui sort lundi, c'est ça? Sinaloa qui sort lundi, ouais. Ouais, je crois que c'est son plus beau clip. On a fait des beaux, on a fait plein de beaux, mais c'est un clip différent. Ouais, ouais, non, il est très bien. Tu peux réussir. Il était fait ici ou ailleurs? Ouais, c'est en France. On n'a pas besoin d'aller loin pour avoir des bonnes idées. En France, quoi. 100% français, made in France. Il y a tout ce qui Caris. Arnaud Montebourg. Ouais, c'est ça en fait. Un petit mot pour bosser avec Caris. Est-ce que toi, je suppose que tu as une idée quand tu fais des morceaux, ça se passe? Ah ouais, lui, il a zéro idée. Hein. Lui, il vient juste avec sa caméra, il sert à rien. Mec. Ah, c'est toi qui fais tout en fait. Non, on se concerte. On se voit et c'est une étude de marché, comme on dirait. Quoi. On se voit avec thérapie. Tout le monde donne des idées. C'est ça. Voilà. Toi, l'aventure avec l'image, ça a débuté quand, Tony? Ça a démarré il y a 4 ans. Et il y a 4 ans que j'ai démarré. Aujourd'hui, j'ai fait des. Aujourd'hui, il a des millions de vues. Ouais, pour pas mal de rappeurs. Ouais. Mmh. Pas mal de rappeurs. C'est quoi le tout premier clip que tu avais fait? Le tout premier, je me rappelle pas. Je me rappelle ça, pas, c'est les mecs qui pèsent, tu sens tout le temps. Ah, je me souviens. Non, c'est même premier. Pas ça, c'est que il y a eu des clips pour pas mal de rappeurs après connus. Il y a eu, je sais pas si je peux dire les noms, il y a eu Joe qui a eu. Bien sûr, pourquoi pas. Normal, ouais, il y a eu Joe qui a eu. C'est pas le Cross Mitten, c'est pas le Candyman, genre tu prononces son nom 5 ouais, fois. C'est ça, en fait, il t'arrive chose qu'elle. Il y a eu Niro aussi, il y a eu. J'ai fait des clips aussi pour Off, pour. Bon, pas mal de gens, hein. tu me et t'es, ouais, un peu, toi, toi. T'es un peu autodidacte là-dedans ou t'as ouais, suivi ouais. Justement un parcours Non, je suis autodidacte. T'as eu petite caméra au début, tu t'es dit. Je me suis levé un jour et puis je me suis dit, tiens, je vais te faire des clips. Putain, faut que je mette en image ça, faut que je mette. Voilà. Non, c'est à peu près ça. C'est grossièrement, c'est ça. Bon, alors c'est parmi ça. Tous les clips, donc on parlait à l'instant de Sinaloa, est-ce qu'il y en a un où t'as une fierté particulière ouais, sur Cristal. Le parcours de Caris Cristal. Cristal. Ouais, Cristal, on a fait fort. Là, c'était avec Future, ce morceau. Il paraît que Future, tout a été fait dans la journée, en fait, parce qu'il y avait le morceau enregistré. Non, il y a une partie du clip qui a été fait une autre journée. Ah, une autre journée aussi. Voilà. Il y a une partie du clip dans le château et tout qui a été fait une autre journée, mais je crois que c'est. C'était un beau challenge. Ouais, parce que c'était speed et tout. Mais en même temps, il a joué le jeu. Hein. C'est vrai que parfois, souvent, on dit les ricains, ils viennent, ils prennent le pognon, ils se barrent. Il a kiffé l'instru. Mais ouais, tout c'est ça. Dans l'instru, en fait. C'est pas qui fait l'instru, il voulait plus s'arrêter à un moment. De fou. Et donc, le clip, ouais, celui-ci, Cristal. Ouais, Cristal. J'aime bien aussi avec Caris. Franchement, on les a tous réussis pratiquement. Sinaloa, le prochain aussi, j'aime beaucoup. Ouais, zone de transit. Bon, ça, on le verra lundi. Ouais. Lundi. On peut rien dire avant, faudra découvrir lundi. C'est dark. Dark side. Bon, bah on attend ça avec impatience lundi pour le clip. Et je suppose que maintenant, l'avenir pour toi, c'est aussi faire un long métrage, le cinéma, non? Ou c'est trop tôt? Pour l'instant, pour moi, c'est trop tôt. Ouais. J'ai envie de. Le jour où j'ai envie d'en faire un, j'ai envie qu'il soit vraiment réussi. Donc je préfère attendre encore. Il a pris de l'avance, Caris. Hein. Il y a son film qui arrive déjà, là, au mois de janvier. Mais hein. S'il m'appelle, son film et que le rôle, il est. Pas de problème. Ouais, il est là, plaisir. Je le dis. Hein. Avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Si. S'il a besoin de moi, je serai là. Eh bah, ben bienvenue, si tu veux filmer le Planet Rap, si jamais t'as une idée de clip, n'hésite pas. Nicolas, je vois que tu as dégainé le portable à tes côtés. N'hésite pas, bah, bienvenue en tout cas dans ce Planet Rap. On continue un petit peu le tour de table aussi. Ah, on a Noah Lounsi avec nous. Ah, le fameux. Le fameux Noah Lounsi. Ouais. Comment ça va? Ça va et toi, Fred? Bon, Noah, il faut expliquer, il fait des vidéos, il y a pas mal de vidéos qui circulent sur le net. Il est regardé par beaucoup de monde. Vu par beaucoup. Signé chez Monstre Marin aussi. Signé chez Monstre Marin. Si je dis pas de conneries. Signé chez Monstre Marin. Il y a plus de j'aime sur Insta que certains rappeurs. C'est vrai, hein. Il commence. Ouais, signé chez Monstre Marin, label de Maître Gims. Big up à lui d'ailleurs. Et pour faire quoi alors sur en fait, je suis humoriste, comédien, acteur, si tu veux, c'est. On est vraiment dans une continuité de ce que je fais. Je fais des vines, c'est comme je t'avais expliqué quand j'étais venu au Planet Rap de Muggy. C'est l'objectif, c'est de devenir acteur. C'est pour ça que récemment là j'ai fait des auditions et j'ai été pris au cours Florent. Bon, tu dois connaître le cours Florent. Ah bah, je connais le cours Florent. Les grands acteurs qui sont sortis. J'ai recalé du cours Florent. J'ai pas franchi la porte. C'est nul. C'est pour ça que je me suis pété. Non, mais ton jeu d'acteur, il est pas clair, c'est normal. Ah, je sais. Ah, c'est moi qui vais subir ce soir, vas-y. J'ai eu la chance de faire les auditions. On en avait parlé avec Muggy et ça s'est super bien passé. Apparemment, les professionnels ont jugé que j'avais ma place là-bas. Donc voilà, je suis nouvel élève du cours Florent. Je suis rentré en cours d'année. Et l'objectif, c'est le cinéma. Eh ben écoute, on croise les doigts aussi, hein. C'est bien parti. Allez voir les vidéos, on peut les mater où? Ouais, sur Instagram, Noah Lounsi sur Instagram, sur Facebook, Noah Lounsi sur Twitter, Noah Lounsi sur YouTube, Noah Lounsi partout. Et on a un clip et un son Bossinto qui arrive très bientôt, je t'en avais parlé. Ça s'écrit comment Noah Lounsi? Oui. Il sait très bien comment s'écrit. Non, genre, mais c'est pour les gens, frère. C'est chauve là. Bonne question. Noah Lounsi, c'était pour toi l'attaque. T'as entendu ce qu'il vient de dire? Il sait très bien ce chauve. Mais tu vois, lui, c'est une maladie. Quand il était petit, il était pas comme ça, il avait plein de cheveux. Ma parole, c'est une idée. C'est bien, c'est la sortie. C'est la sortie des dossiers ce soir. Parce que toi aussi, t'es de Sevron aussi. Avec son tatouage à côté de l'œil, on dirait qu'il a raté son maquillage. Non, c'est la famille. Noah Lounsi, c'est N-O-A-H. Et plus loin, Lounsi, L-U-N-S-I. Voilà. Donc voilà. Donc allez cliquer, allez mater les vidéos. La dernière vidéo en date, c'est laquelle? La dernière vidéo en date, que je te dise pas de bêtises, c'était hier. C'était une petite vidéo sur les gens qui ont acheté des baguettes, tout ça. Quand on achète des baguettes, toujours on les mange en cours. Donc voilà. C'est tellement vrai, ça. Pour moi. Je me suis fait embrouiller tellement de fois là-dessus. Bon, et vous alors, parce que tu as commencé à sortir un petit peu la boîte à dossier, excuse-moi, je me replonge dedans. Attends, on va en profiter un petit peu. Laisse ça. Votre rencontre, la toute première fois où t'as croisé Caris. La première fois, avec beaucoup de cheveux à l'époque. En fait, moi, c'est. Bon, là, je vais te la faire à la manière de vieux boxeur, tu vois, vas-y, parce qu'il y a un personnage que je fais souvent vieux boxeur. En fait, Caris, c'est un petit que moi j'ai connu à la maternelle. Je l'amenais souvent à l'école, il mangeait beaucoup de biscottes. Donc voilà pourquoi il a les gros bras comme ça, parce que les gens soulèvent les haltères, lui il mangeait ça. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est connu, il faisait beaucoup de bêtises. Je lui ai dit, faut te calmer. Donc il m'a dit, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces bêtises? D'où la chanson, qu'est-ce que je vais faire de tous ces deniers? Donc voilà quoi. C'est exactement ça, c'est ce qui s'est passé. Mais d'ailleurs, tu peux confirmer, à la maternelle, il avait les mêmes bras. Hein, depuis la maternelle. Sorti avec les et la prof, elle comprenait pas, elle dit, mais comment? Depuis la maternelle, je sais pas, il y avait quoi dans ces chocs à pic, mais c'était grave. Depuis la matinée, elle était comme ça. Bon, et puis voilà, l'évolution aussi, pareil. Une fierté aussi, pour Sevran. Bien sûr, c'est une fierté. Là, c'est tout Sevran qui est là. Là, il y a Ixo, il y a Teddy Tamgo, il y a tous les autres rappeurs, Kof, tout ça. Tu vois, c'est une fierté. C'est une fierté, vraiment. En fait, on a un beau vivier du côté de chez nous. Voilà, exactement. Du côté de RGT, il y a beaucoup de choses. Il faut supporter. Moi, je supporte les Sevranais. J'ai Sevran tatoué dans le dos, pas pour rien. Donc voilà, demain, qu'est-ce que tu vas faire demain pour la sortie de Double Fuck? Quelle va être demain? Je vais en acheter au moins 10. Je vais te donner, comme je sais qu'il y en a, ils ont pas trop, tu vois. Ils préfèrent mettre l'argent dans les hôtels pour les meufs. Moi, je vais acheter, je vais donner. On est Formule 1. En même temps, c'est combien le prix maintenant? C'est aux alentours de 10 euros. Ouais, donc, 10 euros, une 10 nuit au Formule 1, même à 10 euros. C'est... Ah ouais, 10 euros. Mais on les connaît, les crevards. T'as accès au canapé juste en bas, quoi. Et encore, quoi. Parking. C'est clair. Bon, on ira guetter. Allez guetter, en tout cas, Noah Lounsi, allez faire un tour dessus. Peut-être une vidéo avec Caris prochainement. Ça c'est déjà prévu. On peut en faire plein avec Caris, quoi. Et ça sert à rien, ça. Ça sert à rien du tout. Ça va venir. Bon, et ben on va guetter ça, en tout cas. Voilà. Continuons le tour de table. Caris, à tes côtés. À côté de nous. Ouais. Il est présent. Il est présent sur la mixtape. Il a fait un morceau qui s'appelle Gringo. Qu'on va peut-être écouter d'ailleurs. On va écouter tout à l'heure. Et voilà, quoi. Il va se présenter. Hein. Bakil, Bakay Grekel, Stein, 93240. On est là, on représente. Frérot Caris, il m'a donné la possibilité de poser sur la mixtape. Je suis venu direct. Pas chercher midi à 14h. Stein, Sevran. Les deux plus pauvres villes de toute la France. T'as vu? Stein, c'est la ville des filles corrompues. Stifleur, on t'a eu. Là, frère. Ah, il avait donné une interview, je sais pas si t'as vu cette semaine. C'est une interview de mytho. J'ai vu dans le Parisien, il a fait son travail le mieux possible, en fait. Il a fait le mieux possible, mais c'est ce qu'il dit sur la toile, il faut pas croire, là, t'as vu. Alors, pour expliquer rapidement, c'est ce qu'on considère des flics ripoux qui sont tombés là récemment. Alors, pour l'instant, le jugement est en cours, il y aura un jugement aussi par la suite. Il y a deux jugements. Il s'en fout du jugement pour voilà, il y a deux jugements. Il y a le jugement de la justice, il y a le jugement de la rue. Et donc, de la rue, on est tous d'accord. Et il y en a un qui s'appelait donc, enfin, son surnom, c'était Stifleur, la pute. Stifleur en rapport justement au film American Pie. Un mauvais donc, film. Tu as eu l'occasion de le croiser, ce fameux Stifleur? Ah, moi je le vois, mieux je me porte. D'accord. Bon, là, à mon avis, tu le verras pas trop. Moi, bon, je pense pas, il va se faire petit. Il se faisait déjà petit, mais bon. C'est pas le but, là, on est là pour représenter pour Caris. Oui, c'est vrai, laissons les faits divers de côté. C'est pas exactement. Grave, parlons, discutons. Parlons et discutons. Donc toi, c'est quoi alors? Il y a des choses qui sortent prochainement, quoi? Ça arrive, on est en train de travailler très très dur. C'est dans le labo, c'est dans le four, ça bosse. On est là avec thérapie musique, ça bosse dur. On arrive, hein, ça prépare, t'as vu, ça fait un moment où je rappe. Comme je te dis, Caris, il est là, il m'a donné la possibilité de m'exprimer. Poser un morceau solo, c'est un honneur pour moi, t'as vu, ça veut dire que j'étais obligé d'être à la hauteur. ils donnent de la force, je leur donne de la force en double, c'est comme ça frère. 9-3, on est là, on représente, on va faire ce qu'il faut. Et bah si on l'écoutait maintenant ce morceau qui s'appelle Gringo. C'est parti, Bakay Grekel. Augmentez le son. C'est aussi le son bien double fort. Fuck, ça sort demain. Personne, j'ai cassé le rétro. Un jour en Merco, l'autre en Clio. J'suis pas ton frère, m'appelle pas bro. J'envoie de la pure, alias Pablo. J'vois personne, j'ai cassé le rétro. Tu souris devant, tu chasses dans le dos. J'sens les gens, surtout les poutos. Ils font les voient, mais c'est des mythos. Ils parlent de nos vies, on se gratte en clito. 9-3 Gomorra, faut que Chiro. Une paire de dita, votre vodka siro. Ça britane, j'les rends miro. Sombre comme l'Algérie et ses généraux. Pénaf dans le GP, mais dis pas tarot. Tes mots sont carbo comme Chromazzaro. Côté du bélier de vos pizza pino. Mes frères te marmèlent à la Tarantino. Pour faire du papier, j'attends pas l'auto. Toujours équipé, ça lui fait dans l'auto. La mort peut venir de la main de ton poteau. Aux yeux de tes proches, tu n'es plus qu'une photo. 9-3-S sur le maillot. 9-3-S dans les cailloux. Je suis contre les 6 gros, derrière dans les bistrots. D'un coup t'en as pris trop, t'en as plein le pif gros. Fais pas trop le gringo, joue à ton amigo. J'attends pas le bingo, mon 06 c'est sale pour ton bingo. Dans les bistrots, de la coque t'en as pris trop, t'en as plein le pif gros. Fais pas trop le gringo, joue à ton amigo. J'attends pas le bingo, mon 06 c'est sale pour ton bingo. Purple Haze, White Widow. Scène de crime, tire pas le rideau. Le boule de Tago entretient ma libido. Le goût du magot, c'est le fond de mer et migo. Parle pas de crime ou de blast dans la caisse. Y'a que les morts qui ne se croisent pas. Sortie de boîte, on te rate pas. Tu rejoins ton seigneur sous Rapta. On veut la retraite sous les palmiers marqués. Propriétaire à Cannes, Dubaï à Alger. Sans interdit, flow étranger. Criminel musique dans les rues de Tanger. Je vais t'allumer, tu me bois du bif. Je vais t'allumer, je suis mal luné. T'étais pas vif, je t'avais allumé. Faut que la paix et son calumet. J'ai de la pure, faire saigner du nez. T'es bête, c'est un pète, t'es un homme fortuné. Un an de loyer, je trouve un mec pour te fumer. Le coq est plus dur à tuer qu'à déplumer. Ton temps est compté, j'ai tourné le sablier. De ton sang en riant, je vais suer le tablier. La mort t'a atteint, partie d'une main gantée. Le cœur sur la main, ça l'est ensanglanté. J'suis pas trop le 6 gros, père dans les bistrots. D'un coup, t'en as pris trop, t'en as plein le pif gros. Fais pas trop le gringo, joue à ton amigo. J'attends pas le bingo, mon 06 c'est sale pour ton bingo. J'suis pas trop le 6 gros, père dans les bistrots. D'un coup t'en as pris trop, t'en as plein le bingo. Fais pas trop le gringo, joue à ton amigo. J'attends pas le bingo, mon 06 c'est sale pour ton bingo. J'suis pas trop le 6 gros, père dans les bistrots. D'un coup t'en as pris trop, t'en as plein le bingo. Fais pas trop le gringo, joue à ton amigo. J'attends pas le bingo, mon 06 c'est sale pour ton bingo. Ça sort demain. Double fuck. Double fuck. Avec Bakil. Double fuck. Bakil, thérapie musique. Gringo. Gringo. Le morceau qui s'appelle Gringo à l'instant. Morceau lourd Gringo. Aussi. Gringo. Oh ouais. Du projet. Ah non, c'est vraiment la rue quoi. Tu vois, c'est tout. C'est ce qu'on écoute à l'instant, c'est dispo sur Double Fuck. Je rappelle aussi le numéro de téléphone pour joindre Caris, 06 71 74 84 15. Arrêtez de harceler. Ça n'arrête pas de sonner. Hein. 06 71 74 84 15. Tiens, ça sonne encore. Ah bah écoute, vas-y. Alors. Allô. Allô. Ouais. Allô. Ouais. Wesh Caris. Wesh ma gueule, bien ou quoi? Tranquille, ma ça dit quoi? Tranquille. T'es d'où mon pote? 9-2 poteau. 9-2, aïe. Tu t'appelles comment? Guillaume. Si, je suis Corda, ça fait plaisir de m'appeler. Ça fait plaisir de savoir au téléphone. Hein? Si l'album. Si, il sort demain l'album. Moi j'ai dit si l'album. Hein? J'ai... Ça coupe. Ça coupe, mais a priori il va aller dans le bac dès demain. Allô? Ouais. Ouais, ça dit quoi mon poteau? T'es toujours là? Ça va tranquille, le si, son, si. J'ai écouté trois morceaux là, super ouais. Le morceau. Ah merci frérot, merci, ça fait plaisir. De rien. Vas-y ma petite gueule, on se rappelle après. Vas-y. Vas-y, vas-y, à plus tard. Yes. Je rappelle après, mais 50 000 coups de fil. 06 71 74 84 15. Tiens, d'ailleurs, on a Noah Lounsi qui est là, qui fait donc des vidéos pour l'instant. Ouais. Et le cours Florent aussi. Hein. Attention. Après, on dirait que ça t'a touché, hein, cette histoire de cours Florent. Cours Florent, c'est... Mais il a dit qu'il a été recalé, donc t'avais c'est pour ça, là. Non, je suis vénère, moi. Pourquoi pas, les mecs, faire des tatouages comme toi pour rentrer là-bas maintenant. Non, je dis ça parce que donc on a en humoriste Noah Lounsi qui est là aussi avec nous. Hier soir, il y a un humoriste qui t'a passé un petit coup de... Dis pas de nom. Parce que c'est la question du soir pour repartir avec des places pour le Zénith de Paris. Donc, quel était cet humoriste qui a donné de la force à Caris hier soir dans l'émission, qui a laissé un petit message, il est sur scène d'ailleurs en ce moment. Qui était-il? Si vous avez la bonne réponse, 41759 avec le hashtag Caris sur Skyrock, vous repartez avec des places pour le 9 novembre. Parce que ça aussi, mine de rien, ça approche. Ouais. Zénith de Paris avec, ça approche doucement. Avec des surprises aussi, on l'a dit, avec des artistes beaucoup qui vont show, passer. Tout le monde va, beaucoup d'intervenants, ça va être une grande fête. Est-ce que Noah aura son pass backstage? Ouais, il va passer, ou... il sera comme jamais. Ouais. Faut qu'il me donne au moins un backstage. Obligatoire. Au moins. Un seul. Obligatoire. Et puis on retrouvera aussi, je suppose, ceux qui sont à tes côtés, le XV Barbar, Bakil qui est là avec nous ce soir. Il y aura tout le monde. Quelqu'un d'autre qui vient de s'installer aussi au micro que tu voulais présenter? Ouais, Solo. Solo le mythe. Mon gars, il est là, il prépare son projet. Ça va, tranquille mon pote. Et bah petite présentation, petit CV express de Solo le mythe. Solo le mythe, rappeur de Sevran, du collectif 10-12R, avec Kiba, Drog Mike, Pops, Mikey à la production. On est là, on prépare un Mike projet Mozart. Pour début 2016, Inch'Allah. J'ai 150 fait, cartouches. Une apparition pour... avec Caris en fait. Sur l'album, il était sur l'album. Le bruit de mon âme. Le bruit de mon âme. Voilà. Une autre apparition aussi sur le sur l'album de DJ Score. Aussi, ouais. Aussi. Bientôt, il y aura un gros feat ensemble aussi. Red Devil. Un gros clip. Un feat qui se prépare aussi. Il y a la compile TP aussi qui va arriver courant. Tout qui performance. Donc, pas mal de boulot. Pas mal de boulot. En cours. Voilà. Et il y aura du live aussi avec vous, parce que je crois qu'il y a un gros live aussi justement. Ouais, il y a un live, ouais. Pas mal de gens de poser un petit truc tranquillement. Solo aussi va poser un petit truc tranquillement. Il y aura Braco qui va poser un petit truc tranquillement. Noah va poser un petit truc tranquillement. Non, moi je pense pas. Moi je suis là pour faire des blagues. Eh ben, petite blague avant Solo. La pub. Est-ce qu'on a une petite blague avant la pub? Ouais, j'ai une petite blague sur Solo. Tu vois, Solo, tu vois là, comme ça, il est venu en retard parce qu'il a pas eu le temps de faire les contours. C'est pas normal d'ailleurs qu'il vienne comme ça. Ça, faut le notifier. Comment tu peux venir sans contour comme ça? Bah oui, je me disais, c'est quand même pas mal. Attends, c'est inadmissible. Les cheveux, ça va? C'est inadmissible. On se connaît, moi. Non, ça, c'est un frérot. C'est un frérot. On a grandi ensemble. On se connaît depuis. Voilà, il y a la famille. C'est la qui est là. Et bon, on va retrouver la famille dans un instant. On écoutera aussi un morceau, Caris. Ouais. Qu'est-ce qu'on mettra? Tiex, c'est ça? Tiex, on va se mettre Tiex. On se mettra peut-être aussi Démarrage Hold Up, non? Et peut-être Sinaloa aussi. Sinaloa aussi. Le clip arrive, on l'a dit. Tiens, d'ailleurs, on va saluer Nicolas Noël qui est reparti. Ouais. Certainement, t'as fait sur un autre clip, je ne sais pas. Ouais, il est déjà reparti. Mais on le salue. Il est passé nous voir en début d'émission. C'est lui qui réalise les clips, notamment Sinaloa qui arrive lundi à pas louper. Bougez pas, on revient juste après ça sur Skyrock. Et puis la roulette aussi qui tournera dans une demi-heure. Inscription 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ce soir, Planète Rap reçoit Caris. Et c'est reparti pour le Planète Rap de Caris entre 20h et 21h. Ça sort demain, double fuck, toujours en précommande dès maintenant. Allez. C'était mignon comme rire. Ouais. Il se passe là-bas. Noah, tu rôdes 2-3 sketchs ou quoi? Ouais, non, c'est Minus là. C'est le mec le plus maigre de Sevran. Minus, toujours en train de faire des bêtises, mec. C'est un truc de ouf. Le patard. Ah, les blazes, les blazes sont lancés. Je suis en Ascara, quoi. Il est pas bronzé, cousin. Les blazes sont lancés ce soir. Entre 20 et 21, tu voulais nous présenter encore quelqu'un d'autre, Caris, qui vient nous rejoindre? Oui, Braco, faut que tu te présentes, mon frérot. Ouais, pour moi, c'est Braco, rappeur là, tout kippé. Voilà, c'est pour vous dire que bientôt il y a la compil le 20 novembre, tout qui est performance. Il y a un extrait qui vient de sortir aujourd'hui, moi-même avec Peperos. Donc voilà, et je voulais placer aussi une spéciale case d'aide aussi, ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Spéciale case dédiée à Sultan, ce qui s'est passé. Force à toi. Voilà. Eh ben, on salue Sultan, ouais. Yes. Merci en tout cas d'être là ce soir. Donc on te retrouvera aussi en live dans quelques minutes. Et là, fort. Et pour aller guetter, donc le projet c'est le 20 novembre, mais là pour aller guetter le nouveau son, il faut aller cliquer. Tu vas sur la chaîne Tuki Prod. Tuki Prod. Ouais, la chaîne Tuki Prod et tu vas voir le clip. C'est le 5e extrait. Eh ben, très bien. Voilà. On ira guetter ça et dans un instant aussi en live le freestyle de Planète Rap. On avait promis juste avant la pub un morceau qui s'appelle Tiex. Direct. C'est toujours bon, Caris, ou on change pas? Non, on change pas. Et ben on le balance maintenant. C'est pas une équipe qui gagne. Direct. Ouh. Elle est lourde l'instru pour toi. Aïe. Elle est club de ouf. C'est clubbing frère. Tu te souviens justement quand t'as écouté l'instru avant de poser ce morceau? T'étais déjà dans le club en fait. Je vois une meuf comme Cubana Lust en train de twerker dessus. Voilà, je la vois twerker dessus, je twerk. En fait, tu vois beaucoup de monde sur tes sons twerker, c'est ça qui est bien carré, en fait. Beaucoup de meufs, je vois pas de gars. Oui, jette-nous à Lounsi. Il sait twerker quand même. Il m'attaque. Non, non, tu pourrais twerker hein, sur ce morceau. Moi, je peux pas twerker, moi, je peux pas twerker. Mais ouais, il m'attaque, tu sais que. Tu vois sa tête là, comment elle est lisse. Tu vois les boules de bière là, quand les gens sont en galère, c'est sa tête qui traîne. Une tête lisse, on dirait une planète. Magbam, viens le vanner un peu là, il fait trop le malin. Je vais appeler Magbam. Voilà, ça traite. Magbam, je vais faire rentrer Magbam. Magbam, tu es chaud. On a un gars au quartier. Présentez-nous, Magbam. On a un gars au quartier qui s'appelle Magbamus. Tu vois, c'est le petit frère à Mike Tyson. Il a raté sa carrière. Magbamus, présente-toi, s'il te plaît. Démarre l'écart de dents qu'il a. On dirait l'allée des Champs-Élysées. Le bâtard. Hey, le mec, c'est vrai. Il est chaud, lui. Ah, il est chaud, il est très chaud. Oh, Noah, il attaque pas bien. Parce que quand on le regarde de face, on dirait les dos. C'est un mec qui a vu de pec. Il a les veines plus gros que ses os. C'est le droit de réponse, Noah. Je suis désolé. Hein. Droit de réponse. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose au droit de réponse? Ah, ma mère, McFly, t'es tellement petit, on dirait un schtroumpf, frère. C'est sérieux, là? McFly, continue, t'es né dimanche, sale bâtard. Ça doit être sympa quand vous retrouvez tous. Des gros gamins. Bon, rien d'autre à ajouter? Non, tranquille, tranquille pour l'instant. Ils se connaissent, t'inquiète. Non, bah. C'est simple. Le Planète Rap avec par téléphone maintenant Junior de Sierre qui nous appelle. Salut Junior. Salut tout le monde. Comment ça va Junior? Ouais, Junior, bien ou quoi mon poteau? Attention, méfie-toi, là ça peut dézinguer à n'importe quel moment. Il y a des mecs chauds dans le studio, prêt. Junior. Junior, fais gaffe. Ouais, non, Déjà, DC, je sens que. T'as brossé Junior? Hein? T'as brossé ou pas? Si? On dirait que t'as mal brossé toi. T'as pas bien brossé toi. Peut-être j'ai mal brossé. Junior, est-ce que tu es prêt à rapper par contre? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Allez, c'est sur Freestyle Fort Téléphone. Ok, dédicace à Claire et à Tamara aussi, ma chérie, qui grâce à elle j'écris. Hein. Ouais. Ça commence fort. Ok. Et ça fait un pour le chaud, deux pour le cours de flow. Je viens mouiller le maillot, fais monter ta libido. De retour sur le ring, je viens faire péter le single. Invite tes potes, te ramène pas seul. Fini les fins en hé, oh. Je viens sur scène pour quelque chose de plus chaud. Je viens vous raconter ma petite histoire. La musique et tout le reste, ça c'est notre part. La bonne musique se fait de plus en plus rare. Comme les bons potes rentrent de plus en plus tard. C'est la vie, faut se rendre à l'évidence. Danse nos musiques en état de transe. Pick it, pack it, fire it up, come along and take a hit from the song. Ok. Ok, Junior, à l'instant. Ah, bah, il est parti, pardon. Deuxième couplet, en français, respect. Deuxième couplet. S'il vous plaît, je me laisse du temps pour mes futures années. Je sais pas où je vais, mais je sais ce que je fais. Laisse le temps un peu me gérer. Tu comprendras dans quoi on est. Un gouffre dans lequel on peut s'enfoncer. Pour monter des échelons, c'est pour ça qu'on est. Oui. Oui, Junior. Lourd, Junior. Noah. Lourd. Non, il rappait bien, on dirait. Brossé, Junior, t'avais... ou pas brossé? Hein? Brossé ou pas brossé? Non, mais là, ça se voit, ouais. T'as pas bien brossé, Junior. Pourquoi? Je sais pas, tu rappais, frère. Je sais pas, ça sentait d'ici que, tu vois. Rappe bien, t'as des caries ou quoi? J'ai loupé le début parce que. Ah, c'est ce que je me disais aussi. T'avais un problème dedans. T'as loupé le début. Hein, ah ouais. C'est le non, mais c'est lourd. Lourd, Junior. Lourd, Junior. Bien merci à toi en tout cas d'être passé ce soir. C'était compliqué en plus ce soir parce que là ce soir ça cartouche dans tous les sens. De fou. Ah, les mecs ils sont là. Un mauvais sniper qui est là. Et, Junior. Et on te remercie en tout cas, Junior. Tu repars aussi. Et ben, tu vas venir d'ailleurs nous voir la semaine prochaine à Paris au Gaumont-Marignan. Avant-première du film Paranormal Activity, 5e du nom. Ça aura lieu la semaine prochaine, donc train plus hôtel pour deux personnes, c'est pour toi Junior. Ah merci, c'est super. Bien joué Junior, bien joué. A très vite, merci ouais, Junior. Salut. Ciao ciao. On va passer au live dans un instant, peut-être mettre Sinaloa juste avant. Ouais, je pense qu'on va mettre Sinaloa. Et après on fait la partie live. Fred, le clip de Sinaloa, c'est l'un des meilleurs clips que j'ai jamais vu. Mais tu l'as déjà vu toi? Non, parce qu'on l'a tourné en fait. Je suis dedans. Tu vois quoi? Le clip est là, il est dans mon portable. Fred, toi tu blagues avec moi? T'as pas vu les œuvres d'art que j'ai dans le camp? Non, moi je suis tatoué comme jamais. Fred, moi je suis un beau gosse, hein. Tu me vois comme ça, mais moi je suis un beau gosse de base. À la base. Le clip de Sinaloa, il sort lundi. Pourquoi ça rigole derrière ton? Parce qu'à la base il était beau gosse, mais là il est plus. Tu vois les mecs qui rigolent derrière moi là? Ils sont. Regarde leur tête, sérieux. Ils sortent jamais à Paname. Là, c'est l'occasion, c'est ça, ils sont contents. Ils ont filmé, les gars, souriez. Bon, donc on attend Sinaloa avec, Sinaloa, avec ta prestance dedans. Ouais. On écoute le morceau? C'est parti. C'est parti, après il y a freestyle. De 7 et de 1 au poteau. Cartel de Sinaloa. 2-7. Sinaloa. C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi négro. C'est la loi négro. C'est la loi négro. C'est la loi négro. C'est la loi négro. C'est la loi négro. C'est la loi négro. Glock, chouin, boko, béto. Sinaloa nègre. Sinaloa nègre. Sinaloa nègre. Sinaloa nègre. Sinaloa nègre. Sinaloa nègre. Sinaloa nègre. Sinaloa nègre. Soit ils l'ont profond au fond du gosier. Soit ils passent leur temps à se baisser pour amasser leur dossier. Je vais prendre sans qu'on me le donne. Vu qu'on a souffert. Je vais une Lamborghini Reventon. Et une colle à tout faire. Les Mayas avaient tout dit. Ça m'a en a tout l'air. Je sais, le rap français fait connerie. Il ressemble à Poudère. Come again, come again, come again, come again. J'ai la haine, j'ai la haine. Barbu comme le fantôme. Ah, Ben Laden, Ben Laden. On a commis beaucoup d'actes inavouables. Baiser du faussaire, fumer du crack comme un couac. Je parle à ce nec, t'as rien de méchant. Oui, je pense à toi, bitch. Ta soeur a ses règles, pour qu'elle voit du sang plus souvent que toi. Les nuits sont traîtres, ses fils se font arroser. Quand tu manges ton grec, je pisse du champagne rosé. Je vais planter mon drapeau dans ton trou de balle. Tu dis beaucoup plus de mots que tu tires de balles. Regarde l'équipe qui pétait, que tu t'es dégoté. Par la bouche, par le huf, ta mère sort des deux côtés. Tu sais bien que je vais revenir. Jure comme un bras, jure comme un bras. Cette fois pour bien te punir. J'prends du comme un gras, comme un gras. Y'aura toujours des barrières. Ma gueule est plus profonde que tes vitres arrière. J'vais t'allumer pour éteindre ta petite carrière. Sors de riab et j'me promène la bite à l'air. J'suis posé détente, j'écoute ce qu'ils prétendent. Doigt sur la détente, j'attends que c'est pédétente. J'suis plus paro qu'un gosse-né. J'ai les sudistes. Si la France me subsiste, fuck les puristes. Rappeur ne prend plus de risques. 50 ne vend plus de disques. Non, j'mets les petits plats dans les grands plats. Tu me tiques dans les grands plats. Galilée avait raison et tant pis. La terre est ronde, mais ton cul est bien plat. Arme de toute catégorie. J'ai la logistique, j'ai la logistique. Ton plus large que le gorille. Avec le magic stick, avec le magic stick. Y'aura jamais de one-one, bitch. C'est pas la fête, non. J'suis Obi-Wan, bitch. T'es Django Fett, t'es Django Fett. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. C'est la loi, négro. Glock, Chouin, Boca, Bédou. Sinaloa, nègre. Sinaloa, nègre. Sinaloa, nègre. Sinaloa, nègre. Sinaloa, nègre. Sinaloa, nègre. Sinaloa, nègre. Sinaloa, nègre. Sinaloa, l'instant. Et le clip qui arrive lundi. Le clip qui arrive lundi. Je voulais dire un truc, Fred. Un truc important parce que. Vas-y. Tu vois, Caris, c'est pas que thérapie et Ritfus et tout ça, tu vois. C'est aussi l'équipe qui est autour, tu vois. Mmh. Les mecs qui m'entourent depuis longtemps, tu vois. Donc je pense à Mikey, je pense à Bison, je pense à Popo, Macbam, tu vois ce que je veux dire. Ceux que j'oublie, excusez-moi, Iba, tu vois. Donc c'est les proches, c'est ceux qui sont autour c'est de les toi. Proches qui sont 404, autour, tu vois. 404, BK et tous ceux qui sont autour de moi. Jagger. Kitty, c'est les gens, Jagger, qui me soutiennent, tu vois. Parce que souvent, dans les trucs comme ça, quand il y a un mec qui est un peu en avant, qui est mis en avant, souvent, il perd des gens autour de lui, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, les gars, ils sont là, ils me soutiennent, ils me donnent de la support, ils me laissent avancer, ils me laissent réussir. Il n'y a pas de trucs. Il n'y a pas de jalousie. On est entre nous, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc c'est super important de le dire. C'est RGT, c'est une famille, on est là. Et puis en même temps, je pense que voilà, tout le monde comprend. Que si t'as la lumière, tu peux aussi faire croquer un peu les gens. Bah, c'est voilà, ce que tu fais d'ailleurs sur Double Fuck aussi. Voilà, hein. voilà, c'est super important ce que j'ai fait aussi sur Bruit de mon âme, quand j'ai fait Solo XO, et bientôt les morceaux qu'on va faire, les morceaux que j'ai fait sur la compil de Tuki. Tu vois, c'est un gros son, il est aussi lourd que Sinaloa, il va arriver avec un peu Clee, il y a tout ça, tu vois. Donc tu vois ce que je veux dire. On est une équipe. On se suit, quoi, tu vois. Une équipe, c'est vrai que en plus t'es assez fidèle parce que je retrouve à peu près les mêmes toujours personnes les mêmes, à chaque toujours. Fois. Toujours aussi laid, toujours aussi. Ça change pas. Ouais, c'est bien que je reconnaisse pas parce qu'ils sont. Non, lui, tu peux pas le reconnaître. Non, lui, tu peux pas le reconnaître. Il est vu cagoulé. Donc là, il sort d'un braquage en live. Il est venu, là, il est énervé là. Il regardait bizarre parce que là. Je me suis dit peut-être que c'est pour toi. Hein. Non. Là, il sort d'un braco vraiment. Il est venu rapper vraiment. Calage criminel, mon gars. Calage criminel. Voilà. Et eh ben, je crois qu'on peut y aller alors pour le live maintenant. C'est bon, hein. C'est chaud, quoi, les gars. Tout le monde est chaud. Et ben, coup d'envoi du live dans Planète Rap. Ok. Je vais commencer, je pense. Eh ben, c'est parti. 2-7. K double rotor. Ouais, Malo. Voilà. Toujours la puissance, hein. Vous savez. Vous connaissez. On se présente plus. 2-7. J'ai dit pute. Pute. Thérapie. K double napalm. 2-7. 2-7. Je veux bouffer une chatte qui sent bon. Milady, moi et tes chandons. Ramène-moi des manas de chicha, fils à fils, j'en veux quatre comme mes charbons. Mangoustin sur l'île des Timor. Je regarde à tribord à bâbord. Prends mon bord, sale bâtard, sinon trace, tu vas faire venir les porcs. Je vais les prendre à quatre, deux pas sur la place du marché un dimanche matin. Pétrocian et Philippe plein. Tête vide, recherche, coffre plein. Bête fauve, ils ne savent même pas où me placer dans la classification. Sortez mes négros de prison, ou bien c'est la radicalisation. Houdini en méditation, Cuny en lévitation. C'est l'argent facile ou c'est l'asile, c'est mort pour mon éducation. T'es trop bonne et t'es trop conne, donc je peux te faire des feintes. Je te jure que si je te prends en levrette, tu ne tomberas pas enceinte. Beaucoup de petits comme toi ont voulu test l'ours du 2-7. Résultat des courses, plein de petits squelettes. Petit trou du cul, tu crois que tu vas percer parce que t'as sucé ton père. Sale pute. Tu ferais mieux d'aller demander des conseils à Hugh Hefner. Je chie sur le trône, tu baises avec mon clone. Je mange un T-bone de la taille dont ton fiac frappe comme un drone au-dessus de l'Irak. Je construis mon édifice, t'as déjà vu un ogipis. Pour moi, tu n'es rien de plus qu'un assortiment d'orifices. Qui t'a dit qu'on est zen? Hein? Qui t'a dit qu'on est zen? Dès que j'arrive, on les gêne. Jingaré dans les gènes. Désert, eagle, balle, chemisée, ajoutée au panier. Je vais fermer des gueules, je vais pas m'amuser, je vais te rajouter dans le charnier. Tu te pisses dessus dès que tu nous vends au concert. On vous tire dessus comme sur des boîtes de conserve. Si je suis pas le dernier à rester debout sur le ring, que le rap français me pende avec son string. 2-7, 2-7, 2-7, 2-7. 2-7, 2-7, 2-7, 2-7. 2-7, 2-7, 2-7, 2-7. Bouge-moi mon gars. Carus. Carus. RGT la puissance, mon gars. Tu connais la puissance, papa. Bouge-moi mon gars. Oh là là. Si si. Oh là là. Solo le mythe. Solo le mythe. Solo le mythe. Jazz. Solo le mythe. Hein, Jazz. Jazz. Ouais. Putain de R. Ouais, Rififi. Ouais, ouais. C'est solo le mythe, bande de baltrin. C'est violent comme un coup de feu. C'est tonton bang bang, mon ami. C'est que c'est français qui fout le feu. Mon sang te transperce, te transporte. Emmène-le comme un joint de beurre. Oh, y'a trop d'écrits de faux mecs. Il faudra mieux que je m'éloigne d'eux. Je ne prétends pas être un exemple, je veux juste être meilleur que l'homme que j'étais hier. Oh là là. Toujours de l'espoir même pour les ex-coques. J'en ai vu plus d'un devenir millionnaire. Dis-moi ce qui gêne, laisse mon épiderme. Slisera, je baisse ta sista, petite mère. On revient sur de bonnes bosses comme ça c'est clair. Si ça dégénère de vos concerts c'est que c'est les R. Ils font de l'espèce avec leur bouche et leurs fesses. Faut qu'on les séquestre, solo chef d'orchestre. Ils se sentent en sécurité dans leur tiex. Au moindre bang bang ça devient centrique. Oh là là. Sur le mauvais cheval il a du sandal. Casse-tête à Moussa, Abdul Sarko Samba. Tu touches à l'un d'eux, t'étonnes pas si je te sens. Si tu sens pas, tu goûtes comme un chou à coup de chambal. Restons sympas, la vie n'est pas si simple. Autour de nous il se passe des trucs de gang. Les petits ont des flingues, tu peux te faire liquider par une bonne trinque. On parlera de toi, pas c'est simple. Et ouais mon pote faut rester humble. Tu pensais vraiment que ça tirait qu'à Seymar. Flip flap, visa, lucarne à la Neymar. Ils veulent qu'on pose des couplets, ça paye pas. Donc on est posé au check car on est peinard. Coup de feu, c'est violent comme un coup de feu. Violent comme un coup de feu. C'est bang bang mon ami, c'est que c'est français qui fout le feu. Te transporte, t'emmène-le comme un joint de beurre. T'emmène-le comme un joint de beurre. T'emmène-le comme un joint de beurre. Regarde trop d'écrits de faux mecs, il faudra mieux que je m'éloigne d'eux. Il faudra mieux que je m'éloigne d'eux. Il faudra mieux que je m'éloigne d'eux. Famille nombreuse, vraiment pas besoin de s'inventer, faux frères. Fous-nous la paix ou fais-nous la guerre. T'as trop parlé, gros matin, faut faire. Faut faire, faut faire. Les preuves salées qui se rassurent, c'est quoi tes paroles en l'air. On te montre, t'as vu le gueule dans les clips. Y'a rien de factice ici quand tu vois du monde. Ici c'est les R. Accélère un peu pour les faire taire. Tous ceux qui chantissent, j'acquère. Fous-les tous à terre. Tu te rappelles l'enfer et vu que t'es un chou, mec, coupe-toi une artère. Va lui ses phalanges, trop écartés. On va les courter. On va les tarter, je sais qui restera quand ça va barder. Je ne crains aucun humain à main nue. Mon ami revient demain minuit. Si on te paye pas c'est contre la mine. Sans que ça je n'ai aucun ennemi. Sauf celui qui touche à la famille. Soudé comme nous y'en a pas mille. Parmi nous pas crête qu'on les bannit. Je veux un compte en banque bien garni. Rien à foutre Tony et Manny. Pas de polémique je donne juste mon avis. vie. Pas pour des mecs qu'on pèse pour mamie. À cause de certaines mauvaises langues dans le coin ça s'agit. Faut qu'on les piétine, qu'on les piétine, afin qu'ils cogitent. Rumeurs et ragots, murmures sur ton dos. Qui joue les nombres mais n'assume pas ses propos. Hey, hey, oh, laissez-les parler, des de toi. Laissez-les parler, des de toi. Laissez-les parler, des de toi. Laissez-les parler. Ils disent toujours qu'ils nous chéchèrent, mais savent bien où nous fait dit ça, ça. Ils viennent seulement s'ils veulent finir dans un mauvais trou. Venez, venez, laissez-les parler, des toi. Laissez-les parler, des gros toi. Laissez-les parler, des toi. Laissez-les parler. Négro, on est là, tout ça pour les là, on sort la calache. Je baisse avec brutalité. Mais présent, faudra faire réalité. On les baisse, c'est la réalité. Validé par moi-même, rivalisé. Brevet, peu pété, scolarisé. J'ai vendu cagoulé sans aucune charité. J'ai pipi, t'as même pas idée. En bruit, se rembrouille militarisé. Dès que le bout, toi, tu vas paralyser. Tu t'épais, je suis localisé. Tu pètes, t'es focalisé. Pour nous, tu critiques, au lieu de valider. Qui nous a validé, qui de la force m'a donné. Sur ma fille, si je perds, ce sont disqualifiés. Skelet, je ferai pas de cadeau si ça sent la rodka. Le huisier est chargé, ma tante, on la veut qu'à. Sors le bumbon, vas-y, sors le bumbon. Car moi, c'est chargé, on revient de meuta. C'est la street qui m'a forgé, pas le peur. Drogue dure, drogue douce. Tout ça pour les là. Négro, on est là. Négro, on est là. Tu sens la rodka et tu cherches la calache. Négro, elle est là. Négro, elle est là. Négro, on est là. Tout ça pour les là, on sort la calache. Négro, on est là. Tout ça pour les là, on sort la calache. Négro, on est là. Négro, on est là. Négro, on est là. Tout ça pour les là, on sort la calache. Yasko, 9327, Bagoro, Qui voulait qu'on stoppe, qui voulait qu'on perce, crame ça la prod et c'est le cake qui la baisse. J'ai la dalle comme c'est pas permis, je vous baisse tous dans le game, ça je me le permets. Tenu que d'ici la fin d'année c'est promis. J'enchaîne car des fils de pute nous ralentissent. On passait les rapports, tu lisais la notice. Fracture, frappe fort, je veux pas te mentir. Je dégaine, croisé floqué, nettoie dans les caisses. Car mon inspi me vient quand je suis dans les shots. J'aime tout ce rap game, un tête de grosse flotte. Moi le fuck ou à la boca c'est qu'on me supporte. Donc je dégaine, phase mat, comment je pèse. Je rime comme je des voix en parenthèse. C'est la vita loca. 9327 zone à risque. Négro je veux pas l'entendre, c'est pas le disque. Quand c'est des passes, la calage dans la favela. Teste contre teste, mais qu'est-ce que tu fous là. Ils vont la crème et la crème, j'ai sorti ma teub. Et là j'ai tout le foot sur la crinière à l'œil. A chaque rime on dit que j'ai fait mieux tout à l'heure. Tu as un Mac pour t'es un ordinateur. Narchetan, l'ambiance est électrique à l'heure. Ici c'est ce grand route, la putain ta soeur. Pour un refresh, je peux me déplacer. Sorti Javé, dois refaire ses lacets. Y'a pas de bébé, le rose bar au PI. Dans la zone, c'est mini boy, ça sent la PD. RGT clan 2-7 pour le 0. 93, voilà le matricule. J'accélère ou je ralentis, mais fuck tous ces bureaux. J'accélère ou je ralentis, mais j'articule. Dans notre attitude, je prends les R, les blacks qui titubent. Tu es le suspect, pas de bluff, pas de zéro. Je sais plus le capilo, je prenne pour des héros. Sans le charger, bombarde vers Paname. Les Yankees, les caches, t'as les grosses bananes. Si tu veux de kill, faut que tu passes par Nougat. C'est ok, je te fais la passe, mais t'auras du Nougat. Ouais, Péco. La sauvagerie au micro, mon gars, calage criminel. Monte le son. M.A.T. Mirmo, montez le son. Calage criminel, mon gars. Mirmax. 10, 12, 14, Mirmo, mon gars. Mirmo, Christian. All 14, Primo JS, Kiki, Zino, Style D. On permet des R. All 14, mon gars. Yakuba, je t'oublie pas. ZP, Dizibo, Doro, Vivi, Christian. Bureau, mon gars. Écoutez ça, cousin. Sauvage, 10, 12, 14. 10-12-14 bureaux. 10-12-14 bureaux. 10-12-14 bureaux. 14 bureaux. 10-12-14 bureaux. Quand la criminelle, la sauvagerie. Écoute, 10-12-14 bureaux. Je suis Aïroi. Ouais. Vendeur me testa, conseil comme Mekate. Ouais. La concurrence. Ouais. Je la graille en parrain. Comme des Mikate. Ouais. Toi, tu fais le gueudin. Ouais. Crari, toi, t'es chaud, t'as tiré, t'as raté. Ouais. Peur de la maman, je te démarre, même si t'as fait 25 ans de boxe ou karaté. Tu viens sevrant, tu te fais agresser. Qui t'a invité? Qui est invité? Chez nous, c'est ce vrai RGT. La cité est invitée. J'ai vu les mecs faire les gueudins. 5 minutes après regretter. Vos rappeurs, ils écrivent des punchlines. Moi, c'est des dégrades, mon tout. Toi t'es un grand, mais comme t'es un schlag, chez nous on te prend pour un petit peu. Ici ça rafale, chacun son parapluie, surtout quand il pleut. Sur Bigo avec le succès, c'est pour ça qu'on t'appelle, ça s'en occupe. De cette gang, 10, 12, 14 bureaux, je peux pas flipper. Drive boy en T-Max, braquage en YZ, les meilleurs pour la fin. C'est pour ça qu'on est des Z. Hey, si ça fait ratatata, du coq le son va couler. Des au fil, si tu baises avec un cœur, vu que c'est des porcs. 10-12-14 bureaux, bureaux. 10-12-14 bureaux. 10-12-14 bureaux. 10-12-14 bureaux. 14 bureaux, 14 bureaux. 10-12-14 bureaux. 10-12-14 bureaux. 10-12-14 bureaux. 10-12-14 bureaux. 10-12-14 bureaux. 10-12-14 bureaux. 10-12-14 bureaux. 14 bureaux. 14 bureaux. 10-12-14 bureaux. Écoute mon gars. 10-12-14 bureaux. Et pour tous mes gants fermés. Bram Sigo, Zito, Aibo, Babs, MC Mickey, Popeye, Ralito. On vit pas MAT, Mirmo, Carlito mon gars. RAS. Demain tout est carré. Tu es la grande bande Bangladesh. Mandé, Zo, Kamelano, Nem Saï. On n'oublie personne derrière. Ma gueule. La sauvagerie mon gars. Oui, gardez la pêche les gars. RAS, RAS, RAS. Lourd, lourd, Mirmo. Fort, fort, fort le live à l'instant. Ouais. 10, 12, 14 bureaux. 10, 12, 14 bureaux. Faut venir pécho, faut venir pécho. Ah, c'est une adresse. Merci. N'oublie pas de la drogue. Non, merde. Merci à Pops, hein. Fred, je t'avais dit quoi? Dario. Il sort d'un braco, il est chaud bouillant. De fou. Ah bah je vois, bah, il est prévenu. Il y retourne. Ouais, là, il retourne. Là, là il en retourne sur un autre coup. C'est Roi Rougemont, RGT. Bon, merci en tout cas à vous tous, ceux qui sont passés en live. On salue donc Solo qui est passé en live. Solo, Braco. Dog. Solo, Braco. Vas-y, tu faisais le malin il y a deux secondes, vas-y, vas-y. Comment ça? Non, moi je suis pas un rappeur, moi. Non, moi, mais salut, salut, salut tout le monde. C'est, je te laisse saluer tout le monde, tous ceux qui étaient au micro. Les têtes, frère. Merci, place 2. Il y a des Loxé, il y a les petits frères à Bob Marley, il y a trop de monde, frère. C'est sûr, Kenji. C'est pas Caris en tout cas pour les Lox. Hein. Ah non, non, non, laissez-moi tranquille avec mon crâne. Laissez mon crâne tranquille. Chauve comme jamais. Il y a déjà assez de problèmes. Les petits refs à Zizou. Bon, merci Caris en tout cas pour cette soirée. Merci à toi, frère. Ça y est, hein, ça sort demain là. Ouais, ça loupez demain, pas double, double fuck demain dans les bacs. Double fuck, mon allez, gars, pyjama, la maison 270. 270 là. J'aimerais bien voir des mecs qui arrivent en pyjama à la Fnac. Moi je vais chercher le nouveau Caris. Mettez des palettes à tous ceux qui sont devant vous et rentrez dans la Fnac. Merci. Et puis le Zénith, c'est le 9 novembre. À pas louper aussi le concert, le Zénith de Paris. La réponse à la question tout à l'heure, c'est Boudère évidemment qui a fait un petit coucou et qui a donné la force hier. Donc là, je tenais à le dire dans les ondes, Boudère, t'es moche. Hein. Je sais pas si on te l'a dit, mais t'es moche, Boudère. Bah, il entend rien, il est sur scène. Mais ce, il sera répété, non, évidemment, grosse, et déformé. Grosse force à Boudère. Grosse force. Et bon, salut Boudère, et merci à vous tous, en tout cas, pour ce soir. Merci Noah aussi, on ira voir les vidéos de Noah. Allez voir les vidéos de Noah, c'est lourd. C'est lourd. Ou alors, allez le voir directement au cours Florent. Hein, il joue du Marivaux en ce moment. Ouais. On fait tourner la roulette avant de retrouver Diffoul, c'est parti. Skyrock t'offre la tournée du nouveau disque d'or du rap français, Youssoupha. Youssoupha. Plus ton kit de fringues pour aller au concert. Et on reste dans le 9-3, on va à Boboche, à Bobigny. Allo Hakim. Ouais, allo. Ça va bien Hakim? Ouais, ça va et toi? Eh ben écoute, en pleine forme, je te présente Caris. Ouais, salut Caris. Comment tu vas mon poteau? Ça va, tranquille, calme. Si, si, ça fait plaisir. Est-ce que tu es prêt à faire tourner la roulette, Hakim? On y va? Ouais, je suis prêt à allez, tourner, c'est tourner la roulette, mon pote. Il y a Youssoupha cette semaine dans la roulette. Son concert, sa tournée avec Skyrock a pas loupé. Stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi, Hakim. T'as gagné, mon pote. Ah, si. Tu as gagné en effet deux places pour aller voir Youssoupha, les fringues aussi. Tu vas voir le poteau Youssoupha. WTF, ah, what the fuck. C'est pour toi. Ah, franchement, merci. Eh hein. Bah, merci à toi, Hakim. Passe une bonne soirée. Est-ce que je peux passer vite une dédiée? Vas-y, vas-y, on t'écoute. Je fais une dédiée à Mabs, celui qui me reconnaîtront, et à ma meuf qui a l'écoute à la radio là en ce moment. Et je fais plein de bisous. Et aussi, merci pour les clips qui m'ont offert ce cadeau. Et à tout le reste. Merci à toi, Hakim. Ouais. Ciao, passe une bonne soirée. Merci, Karim. Bonne soirée, Hakim. Demain, un petit peu avant 20h, tu seras de retour. Ouais, on sera là. À pas louper pour le feu d'artifice, j'en ai le feu d'artifice le dernier jour. Et demain, c'est la sortie. Double fuck. On va le chercher demain, je vais tous les acheter à toutes les Fnac du 9-3, gros. Partout. Ouais, il faut en laisser un peu quand même. Allez-y avant moi, je vais tous les prendre. Merci en tout cas à vous tous. On va retrouver Difool, on n'a pas la bourse ce soir, Difool. Mais on est là, Fredo, très bien. On a profité du freestyle, du méga freestyle de ce soir. Non, jamais fâché, Difool. Non, tout va bien, Caris. Si, si. On reste poteau, hein. Comme jamais. Poteau comme jamais. Ouais, poteau comme jamais. Et demain, donc, sortie du projet à ne pas louper. Et demain soir, on fera un petit bilan avec toi, 20h-21h. Et puis tu viens d'en faire un petit Difool, plaisir. Il y a Noah qui veut te parler. Difool, ton long corps, on dirait que tu mangeais des asperges quand t'étais petit, là. Je vais venir t'attaquer bientôt. Je suis comme trop long. C'est toi le tout maigre du. C'est lui. Comme belle. Pas le malin, tu ressembles au Père Noël. C'est lui en fait, Noah Lounsier. Quand on le voit de face, on a l'impression qu'il est de dos. C'est lui. J'ai bien écouté. J'ai bien écouté les dossiers sur toi, Noah. C'est bien. Bah écoute, merci à toi aussi. Merci du coup. Rendez-vous demain 20h-21h. Planète Rap, la dernière de la semaine. C'est avec Caris et c'est à pas louper. On se fait un petit Nekfeu, on écoute Madop et on arrive dans un instant. Et on a deux surprises. Deux surprises, deux excuses ce soir. Restez bien à l'écoute, Caris, tous les autres. Le nouveau Lefa avant minuit, un nouvel extrait de l'album qui sortira en janvier. Ouais, janvier normalement, hein, début 2016. Allez, on va dire début 2016, comme ça on est sûr de pas se planter. Voilà. Et on aura le nouveau Gradure aussi à vous passer ce soir. Donc, que d'exclus. Donc il y aura du lourd dans l'émission à découvrir. Bah, d'ici quelques instants, on en reparle. Et puis on vous attend en direct parce que vous pouvez tout nous dire au 01 53 40 30 20. Vous nous appelez, toute l'équipe vous attend. Le retour de Cédric aussi. Ouais. Ah, bah ça fait plaisir, Cédric. Moi aussi, ça me fait plaisir. Ah, tu nous as manqué. Bah, j'imagine bien. Ouais. Bah, on a beaucoup pensé à toi. Ah, ouais, on est là, poteau. Ça y est, il est plus malade. Cédric a chopé la ch'touille. Oui, tu t'es bien fait cartoucher ce matin. Ouais. Une gastro ou quoi? Non, c'était devant ce coup-ci. Non, j'avais une angine. Il a un chou-fleur à la place de. T'avais un champignon sur la bite? Non, du tout, gros. C'est que le week-end dernier, Caris, tu savais peut-être pas, mais il a fait un strip poker avec des potes en Belgique. Ouais, mais n'importe quoi. Entre mecs, quoi. Et il a chopé un truc. Mais dis n'importe quoi, il dit que tu es de la merde. D'ailleurs, je tiens à rassurer ma mère parce qu'elle écoutait hier soir, maman, je n'ai pas chopé de d'IST ni rien du tout. Mais il n'y a rien qu'à glisser au niveau de quoi? De IST? Bah oui, parce qu'ils ont dit ça à l'antenne. Donc ma mère est affection sexuellement. Ouais. Non, mais quand tu le dis comme ça, ma mère, elle a paniqué, elle a flippé. Faut jamais s'éloigner, Cédric, c'est ça. Elle m'a appelé 10 fois, je dormais, j'ai pas répondu, donc je m'excuse, maman. Fou, Cédric. Ouais, tu racontes ta vie, frérot. Ouais, c'est fini, la planète rap, c'est à nous maintenant. Ah, je rigole. C'est mon émission. Vas-y, ma gueule, vas-y. Oh, t'as le droit de tout dire. Fais gaffe. Je suis d'accord avec toi, Caris. Ça commence fort. T'es d'accord avec moi ou pas? Ah, bah, entièrement. Allez, tous d'accord. Mon pote, on a failli s'endormir. Merci, Caris, de nous avoir aidé. Vas-y, bonne soirée. T'es super. Rendez-vous demain, 20h-21h. Tu vas garder des punchlines pour demain. Allez, Radio Libre, c'est parti. On y va. Jusqu'à minuit sur Skyrock. Ciao. Ciao. À demain. Passe tout le temps quelque chose sur Skyrock. Écoute.